Assemblage requis d'une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Audrey Tremblay, nouvelle rédactrice en chef du journal Zone Campus, vient faire un survol du premier numéro de la saison. Et on parle de Envol et Macadam, festival à Québec. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le mercredi 8 septembre 2010, 7h13. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle François-Olivier, je suis en compagnie de Mathieu. Oui! Et puis, grosse émission. Oui, grosse émission. Aujourd'hui, on va recevoir la rédactrice en chef du journal Zone Campus, Audrey Tremblay, pour parler du plus récent numéro, le premier de la session. Il est tellement cute. Session. Oui. Moi, je le trouve séduisant. Séduisant, il te plaît? Ah, il me plaît énormément, je trouve. Parle-moi là, tu sais. Ben non. Non? Tantôt. Hey Mathieu, tu sais ce qu'on dit? Oui, quoi? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je pense que l'assemblage requis a beaucoup d'avenir. Ah, Colin, c'est cute. On va aussi avoir une chronique CNX aujourd'hui avec des modifications que les gens ont fait à des affaires geeks. On va avoir une chronique C'est un fait. C'est un fait? Je vais t'apprendre des choses que t'aurais peut-être aimé mieux. Tu m'apprends toujours plein de choses, Mathieu. Puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi? Il va y avoir des actualités aujourd'hui avec toi. Oui, et puis moi, je vais vous parler du festival Envol et Macadam qui se déroule à Québec. Jeudi, vendredi, samedi. Je parle des artistes. Je vais vous parler, en fait, on va faire le tour là, de l'événement. Mais c'est une bonne chose, ça, je trouve. Une bonne chose. Beaucoup d'artistes, en fait. Tu m'en as parlé ce matin. Ouais, comme qui, là? Écoute, je te garde une surprise. Mélanie Carlin, ok, je vais te dire. Mélanie Carlin, il y a Against Me, Hatebreed, Malajube, Pater Rose, d'ailleurs, qui est là aussi. Belle année, belle programmation, beau site. Je vous en parle un peu plus tard. D'accord. Pour l'instant, on écoute The CDs. Voici Another Day Again. Another Day Again. We'll be right back. was the first time. They only did it to say that they had done it. And Animals avec The Mama Papa. Assemblage requis sur les ondes de C'est fou. Oui, c'est l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Et cette qualité-là, c'est plus tard dans l'émission quand les chroniqueurs arrivent. Oui. Oui. Hey, Madame Audrey Tremblay, en fait, était avec nous. On va lui jaser ça un peu plus tard. Mm-hmm. C'était une très bonne pièce, Mathieu. Mais merci. Je vais prendre le crédit. Prends-les. D'accord. Alors, on va l'entendre tout de suite. MGMT, voici Flash Delirium sur C'est fou. 89 FM. Mild apprehension. Blank dreams of the coming fun. Distort the odds of a turnaround. Gut screams out next to none. Saving anyone. MGMT avec Flash Delirium à Assemblage Requis. T'as aimé mon cri, hein? J'ai adoré ton cri, Mathieu. C'était un cougar. Un cougar. Un cougar. Et hein, on pourrait faire un beau jeu de mots aussi. Oh oui. Mais non. Non. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Et Mme Audrey Tremblay, rédactrice en chef du journal Zone Campus. Oh, attention, j'entends le signal, le bat-signal à chaque fois qu'on dit le mot Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. T'sais, la tradition reste, là. Aussitôt qu'on mentionne le nom, non, on ne dira plus, par exemple. Ça va Zone Campus. Zone Campus. Ah, Colin. Ah. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Ah, ce running gag ne me déplaira jamais. Bref, Audrey, bonjour. Bon matin. Bon matin et bienvenue à toi. Merci. Nouvelle rédactrice en chef au journal Zone Campus cette session aussi. Oh, oh oui, c'est officiel. C'est un titre qu'elle porte sur son macaron Zone Campus. Non existant. Tu mets de la pression, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas tes premiers pas dans le Zone Campus. T'es là depuis quand même assez longtemps. En fait, ça va faire un an et demi que je suis là. J'étais journaliste au sport avant que vous me choisissiez comme rédactrice en chef. Mm-hmm. Avec le talent que tu as. Oui, merveilleux. En fait, là, je peux peut-être m'avancer un peu, mais je travaille avec Audrey depuis, en fait, là, peu de temps. Mais tabarouette que ça va bien. Oui, hein? Ah oui, formidable, en fait, là. C'est très bonne rédactrice en chef. Elle prend beaucoup d'initiatives, beaucoup de talent. Merci. Bon, on est vraiment contents, en fait, là. Je pense que ça se déroule bien à ce niveau-là. Écoute, tu nous fais un petit résumé du Zone Campus? Oui, dans le fond, le Zone Campus qui est disponible depuis vendredi. Notre première édition, on est vraiment fiers. C'est un 24 pages. Dans l'actualité, on va parler beaucoup du réaménagement du campus avec les nouvelles voies de circulation. On va parler aussi du nouveau pavillon étudiant qui devrait être un projet dans un futur approché. Ouais, on a hâte de voir ça. On espère que ça va pas prendre autant de temps que le pavillon de la santé à construire. Mais bon, hein, quand même. Ouais. On parle aussi des intégrations qui sont pas mal déroulées hier. Mm-hmm. La sécurité sur le campus, oui. Ah, t'as un éditorial aussi dans cette même section-là que tu survoles et que tu passes humblement par-dessus. Oui. T'as un éditorial sur l'intégration, donc faut le dire. Exactement. Oui, je pense que j'ai fait le tour de la question de l'initiation, les pour, les contre, les up and down. C'est un sujet qui intéresse tous les étudiants. Tout à fait. De la première à la troisième année, je pense. Ça touche tout le monde, en fait, les initiations, là. On peut pas dire que en fait ça ne touche pas. Mm-hmm. On les voit, on les côtoie, on les des fois on les ridicule. Ouais. Oui, on rit d'eux des fois. Ouais. Par moment. De quoi est-ce qu'on parle d'autre aussi? On parle de Luc Pierre qui fait la réédition de ses comptes. C'est probablement l'article le plus volumineux, n'est-ce pas? Je blague. Ensuite, on a une section société avec des chroniqueurs qui vont être là en alternance. Avec Sophia Tourigny et Jean-François Veilleux. C'est deux articles très, très, très intéressants à lire. Mm-hmm. Deux personnes aussi qui sont habituées à la radio. Sophia Tourigny, elle animait en fait l'émission Donne-moi le goût l'année passée. Puis Jean-François Veilleux faisait des chroniques dans l'émission Dîner de con. Mm-hmm. La quotidienne, en fait, l'autre quotidienne. C'est fou. De 11h à 13h. Hein. Belle plug, François. Hein, belle plug. T'aimes ça, la plug Audrey, t'aimes ça. Hein? Bon lien. Zone campus. Oh! Hey, il répond plus, énorme. Non, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. La section vie étudiante qui est de retour avec les activités qui vont avoir lieu pendant les prochaines semaines. Oui, exactement. On va faire un compte-rendu de qu'est-ce qui s'en vient comme activité dans les semaines à venir avec de nouveau cette année un montage photo de ce qui se passe sur le campus. Et si vous êtes un nouvel étudiant à l'UQTR, on vous a fait un beau petit découpage. Oui. Avec des bonnes adresses à Trois-Rivières. Exactement. C'est sympathique de notre part. Et puis la question Vox Pop, bien évidemment, on vous demande cette semaine, participerez-vous aux activités de la rentrée? Exactement. Ouais. En art et spectacle, on vous présente Mister Valère qui va être là pour le spectacle de la rentrée de l'UQTR. Ça a lieu le mercredi 15 septembre prochain. Exactement. On vous parle des quotidiennes assez fous. Hey! C'est nous, puis il y a une photo de nous autres avec Danny. Avec Danny et son sac à dos. Oui, tout à fait. Dans mon bureau. Ouais. Bureau/discothèque de ces fous. Ouais. Toujours chic. On vous parle aussi des activités de la rentrée à la Chaise Galerie, dont le party Toga ce soir. Oh, c'est oui! Tu vas rester debout tard. Oui, très tard. Demain matin, donc, tu reviens à l'émission? Oui, pourquoi pas? Venez rencontrer Audrey. Là, on parle aussi de l'exposition L'Écolo qui est à Shawinigan, encore pour un petit bout. Ça a l'air d'être beau. Ça a l'air très, très, très intéressant. Puis c'est ce que Mélissa m'expliquait, là. C'est vraiment les deux pieds dans l'eau. Là. On marche dans l'eau avec les odeurs que ça apporte. Avec les odeurs de pieds. Ouais. On sent les pieds, on est des pieds. C'est quoi le slogan? On est des pieds. C'est le slogan de la podiatrie aux intégrations hier. C'était super chic. Oui. Il y avait de très beaux pieds avec du vernis à ongles. Oui, hein? Wow. On parle aussi de la nouvelle saison de la Luitte qui veut se donner une nouvelle image avec des nouvelles bandes, des nouveaux chandails qui vont être en recrutement quand même bientôt. Puis la Ligue d'improvisation de Trois-Rivières... La Ligue d'improvisation musicale de Trois-Rivières qui a décidé de prendre une pause. OK. En sport, on parle beaucoup de camps d'entraînement au soccer, soccer féminin, soccer masculin. On est revenu sur la première édition du tournoi de golf des anciens Patriotes qui a été vraiment un succès sur toute la ligue. On vous présente les happenings qui vont avoir lieu bientôt au soccer et au hockey. On parle aussi, en terminant, de la nouvelle vitrine des Patriotes, leur nouveau site web qui est en très ligne. Mm-hmm. Oui, très, très bien fait. Il est attrayant. Ouais. Mm-hmm. Il est interactif, c'est facile à utiliser, puis ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Vraiment pas. C'est qtr.ca/Patriotes, et c'est un petit peu chiant pour la personne qui a fait le site avant, mais bon. qtr.ca/Patriotes, c'est leur adresse. Il y a aussi une adresse pour le Zone Campus en tant que tel. Si vous voulez lire le numéro, il va être en online, online. Je sais pas, aujourd'hui, plus tard. Aujourd'hui? On va voir. J'ai eu le temps. Zonecampus.ca, www.zonecampus.ca. Le numéro est en kiosque du 6 au 19 septembre, donc ça dure deux semaines, et puis il y en aura un autre à partir du 20, logiquement. Hein? Exactement. Et voilà. C'est avec le vin qu'on multiplie le pain. C'est quoi dans le vin, qui l'eau qui change en vin? Septembre. Oh, oh, la publicité. Hein? Toujours aussi douteux. Merci Audrey Tremblay, rédactrice en chef, nouvellement macaronnée. Macaronnée. Macaron, non? On devrait avoir des macarons, ça François. Hein? J'ai maintenant mon nom après mon bureau. Ah, Caroline, mais c'est vrai. Mm. Bonne zone. Non. Mais on n'a pas les petits. Tout le monde a comme une Toblerone avec son nom dessus. Ben, c'est pas une Toblerone, mais ça se mange pas, là, mais c'est juste le nom que tu mets sur ton bureau. En triangle. En triangle. Je sais pas, c'est pas un triangle, par exemple. C'est un. Un pentagone louche, là. Pentagone à trois côtés. Bravo. Bon, donc, merci Audrey Tremblay. Merci. À trois côtés, c'est un triangle? Oui, mais un pentagone, ça n'a pas trois. En tout cas. Mais tu m'as dit que c'était pas un triangle. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi. On va la retrouver, Audrey, ça va être tous les lundis à partir de la semaine prochaine. Il n'y avait pas d'émission cette semaine lundi, donc ça va être à 8h. Oui. Plus tard cette fois-là, yeah! Yeah! On sort une demi-heure. Bon. Merveilleux. Et puis, si t'as des nouvelles, en fait, des scoops à venir nous raconter, là, gêne-toi pas. La porte est toujours ouverte. Ça va me faire plaisir. Sauf quand t'es fermé, t'as chelou. Ouais. On va faire changer serrure. Ouais. Oh. Mathieu! Je suis pas sympathique, je m'excuse. Non. On t'adore, Audrey, merci. Hey, on va aller sujet. Écouter une de tes pièces favorites que tu nous disais que tu hurlais en auto. Hurler, le bon terme, oui. Ouais. Tu veux-tu nous la présenter? En fait, c'est Vampire Weekend qui sont au Metropolis, je crois, ce soir. Ce soir, tu y vas pas, là? Non, malheureusement, je peux pas, mais j'aurais bien aimé. J'aurais aimé aller hurler avec eux autres en direct. En direct. Et la chanson s'appelle White Sky. Merci Audrey. Merci. Nous, on vous dit à tantôt et on vous rappelle que l'émission est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. C'est prêt, non? C'est vrai. White Sky de Vampire Weekend. Ah, c'est fou. C'est tellement bon. Oui, chante. Attention. Je laisse ton micro ouvert et tu chantes tout le long, OK? C'est ton initiation à la santé. An ancient business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission.

jour. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de nos glidants sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimant sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de nos glidants sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeant sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de nos glis dansent sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Down sous les stroboscopes. Black, white, black, white, black, white, black, white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the by the facts. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies down sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de nourrit. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez dans. Alex Nevsky avec Sous les stroboscopes dans Assemblage Rookie, votre émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Oui, 7h48. Oui. Assemblage Rookie, en fait, une présentation de... De la Banque nationale et du service aux étudiants. Oui, merci Mathieu. On va leur dire, mais dans l'ordre, le service aux étudiants et la Banque nationale. Donc, merci à ces généreux commanditaires. Oui. Et désolé pour notre bouffonisme chronique. Chronique. Chronique, parlons de chronique. Ah, voici, c'est un fait. Ça, c'est moi qui martèle votre cerveau d'informations. Hein? Commençons avec un fait plutôt divertissant qui va t'intéresser, j'en suis sûr. On utilise des fois de l'or. C'est l'or. De l'or? De l'or. Pour fermer les paupières qui ne se ferment pas complètement. Oui, c'est une maladie, une condition qui s'appelle le lagophthalmos. De l'or? Oui, de l'or. Donc ça, c'est une personne, lagophthalmos, qui n'est pas capable de fermer complètement ses paupières. Donc, on met une petite quantité d'or à l'intérieur du... Des paupières. Des paupières, et puis le poids fait fermer. Pour vrai? La paupière. Ouais, c'est cool. Ah, hein? Oh, ouais. Mm-hmm. La famille américaine moyenne utilise 35 fois plus d'eau que la famille moyenne africaine. Les familles américaines ont en moyenne 176 gallons d'eau par jour d'utiliser, alors qu'en Afrique, c'est 5 gallons d'eau. On gaspille beaucoup. On gaspille beaucoup. Il faut dire que là-bas aussi, la richesse est plus dure à trouver. Là. C'est cher, malheureusement. T'as peut-être remarqué que les boutons sur les chemises des hommes et des femmes sont sur le côté contraire. Non. Les boutons du même bord. Non, j'ai jamais remarqué, en fait. Ouais, c'est ce qu'ils disent. La raison n'est pas certaine, mais on accepte l'explication donnée la plus souvent, si on veut. C'est que les boutons des femmes sont... ça vient du médiéval, genre dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps médiéval. Dans ce temps-là, c'était commun pour les femmes d'être habillées par leurs serviteurs, qui étaient typiquement droitiers. Okay. Donc, ça allait mieux pour eux. Okay. Et une autre alternative qui est probablement pas vrai, qu'ils disent, c'est que les hommes devaient garder leur main droite dans leur manteau pour être prêts à sortir leur épée ou quelque chose du genre. Leur revolver. Ouais, c'est ça. Et puis, les femmes... Encore là, c'est sûrement pas vrai. Et que les femmes utilisaient le côté gauche de leur robe pour protéger leur bébé lorsqu'ils allaitaient. Oh, OK. Mais on dit que c'est sûrement pas vrai. Donc, pourquoi tu l'as dit? Ben, c'est ça. C'est pas nécessairement toujours des faits véridiques. Ben non, je sais. Même si on dit véridique, véritable et vérifiable, ça dépend des fois. S'il y a... tu connais les tempêtes, c'est là, il y a Earl. Oui, bon. Les tempêtes tropicales. Exactement. S'il y a plus que 21 tempêtes nommées dans l'année, le reste vont être nommés selon les lettres de l'alphabet grec. OK. Alpha, bêta, ouais. Quarantaine, etc. Bêta, quarantaine. Frederick Bauer a inventé la canne de Pringles, les chips Pringles. Et quand il est mort en 2008, on dit que ses cendres ont été enterrées dans une canne de Pringles. Je sais pas, ça. Des saveurs de Pez, tu sais, les Pez, les petits bonbons là, qui viennent dans un genre de petit bonhomme. Là, OK, ça? OK. Ouais. Hey, ça, j'en ai mangé quand j'étais jeune. Ouais, c'était bon. Hein? Ouais, c'était bon. Il y a des saveurs qui ont été essayées, mais qui n'ont pas duré, comme le café, la réglisse, l'eucalyptus, le menthol et à la fleur. Ouais. À la fleur, t'es encore pire que l'eucalyptus. Hein? Des drôles d'idées. La menthe, j'ai jamais été sûr, moi, là-dessus. La gomme à la menthe, pas sûr. La menthe? La menthe. J'aime pas même la saveur de menthe. Non, c'est bizarre. Qu'est-ce que t'aimes, la cannelle? Ouais, la cannelle, c'est bien. Ouais. Chacun de tes pieds, donc t'en as deux, chacun de tes pieds a au-dessus de 250 000 glandes de sueur et peuvent produire plus d'une pinte de sueur par jour. Marouette. Caline, hein? Entre le 9 juin 90 et le 1er mars 1991, soit MC Hammer ou Vanilla Ice avaient un album numéro 1 sur Billboard à chaque semaine, sauf une. Donc, entre ces deux dates-là, 97-91, c'était soit MC Hammer ou Vanilla Ice qui étaient au sommet du Billboard. Pour vrai? Pour vrai, pendant chaque semaine, sauf une. Où okay. C'était Step by Step de New Kids on the Block. Oh, quand même. Can't touch this. On devrait jouer ça, mon lien. Ce serait pas pire qu'est-ce qu'il y a déjà joué. Les noms des quatre fantômes dans Pac-Man, savais-tu, sont Blinky, Plinky, Inky et Clyde? Non. Okay. Ça se traduit à partir du japonais, hein? Alors, en leur personnalité à chacun. Donc, Blinky, qui est le rouge, le fantôme rouge, a une personnalité de Oikake, qui veut dire le chasseur. Pinky, qui est le rose, a une personnalité qui s'appelle Machibushi, quelque chose de genre, qui veut dire embaucheur, donc le genre de piégeur. Inky, celui qui est genre un bleu scillant, là, s'appelle Kimagure, ce qui veut dire fickle, donc... Qui barbote puis il s'en va vite, dans ce cas, genre. Et puis Clyde qui est l'orange, lui c'est autoboké, qui veut dire stupide. Pas fin ça, fantôme stupide dans Pac-Man, Colin. Savais-tu qu'une puce peut sauter 30 000 fois sans arrêter? Non, je ne savais pas. Elles peuvent aussi sauter de 50 à 100 fois plus haut que la hauteur de leur corps, donc 50 à 100 fois plus que ça. Et puis aussi, on dit que l'accélération d'une puce lorsqu'elle saute est 50 fois plus rapide que celle d'une fusée qui décollerait vers l'espace. Impressionnant, les puces. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un problème de puce, c'est dur de s'en débarrasser. C'est ça. Shampoing, peut-être. Shampoing. Compter jusqu'à 1 trillion, ça prendrait 542 241 ans. C'est un professeur de l'université. Oui, compter jusqu'à 1 trillion. Le professeur de l'université de Houston, Jim Granato, a dit que ça prendrait seulement 31 688 ans, mais ça demanderait que tu craches un chiffre par seconde, nous dit l'article, pour faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1 trillion. Sacrifice. Mm-hmm, tu pourrais faire ça sûrement de 1 à 10, qu'on nous dit, mais après ça, quand tu seras avec des chiffres qui ont plusieurs syllabes, ça pourrait devenir plus difficile. Donc, si on calcule le temps que ça prendrait pour dire chacune de ces syllabes-là, parce que 1 trillion, c'est 1 million fois 1 million. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu vas pas réussir à faire ça dans ta vie, sûrement. Mais vois-tu, je pensais que ça se faisait, en fait. Là. Je sais pas, je suis peut-être inconscient, là, mais... Que ça se faisait... Ben, compter... Oh, ouais. T'allais le faire? Tu voulais non, ben non, là, mais... On pourrait faire un radioton avec ça? On pourrait peut-être essayer, là. On se rendrait peut-être jusqu'à 200, 300, là. Ou un trillion! Un trillion. Et on termine avec ce fait super intéressant, qu'il y a un guichet automatique en Antarctique. En fait, il y en a deux. Qui sont automatiques en Antarctique. Ils sont opérés par Wells Fargo and Company. C'est Wells Fargo. Ouais. Ils sont à McMurdo Station, qui est un centre de recherche américain et la plus grande communauté de l'Antarctique. Il est capable, ce guichet, de gérer l'argent de 1258 résidents. Mais par contre, ils font la maintenance de ce guichet-là à chaque 2 ans seulement. Donc, il y a une des deux machines qui sert comme backup, si on veut. Et puis, c'était aussi les premières machines qui sont devenues Y2K compliant, donc qui ont été arrangées pour le bug de l'an 2000 dans le temps. Oh, OK. Comme un test, sûrement parce qu'il n'est pas tellement utilisé. Fait qu'on va commencer par celle-là, puis ouais. Ça marche. Ça. Voilà, donc. Il n'y avait jamais eu là, ça, le bug de l'an 2000. Ben non, mais parce qu'ils ont réglé le problème avant. Wow. Ils ont réfléchi, on trouve la solution. Hey, arrête. Donc, on dit que techniquement, Wells Fargo s'occupe des guichets automatiques de tout le continent au complet, de l'Antarctique, avec deux guichets. Bravo à eux. C'est ça, avoir le monopole. Et ça, c'était la chronique, c'est un fait, il y en aura une autre demain. Bah, demain. Demain est un autre jour. Hey Mathieu, 7h55, écoute, on s'en va en musique. Mm-hmm. Et puis, moi, au retour, en fait, je vous parle de Envol Macadam. Festival à Québec. Mm-hmm. Ça déroulera jeudi, vendredi, samedi. Soit le 9, le 10 et le 11 septembre. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on va même finir la première heure ici. Mais j'ai hâte d'entendre parler d'Envol et Macadam tantôt. Ça va très bien. On va aussi avoir dans la deuxième heure la chronique Geek CNX qui s'en vient. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des actualités. De des vraies actualités. Des vraies. Des vraies, pas des fausses. On va vous inventer des nouvelles. Mais pour l'instant, on s'en va entendre l'Info Campus et puis on revient juste après à Assemblage Requis. Restez là. Voici maintenant votre capsule Info Campus. L'événement UQTR sous le chapiteau se tiendra du 8 au 10 septembre, inclusivement, afin de permettre aux étudiants de mieux connaître les différentes associations présentes sur le campus. On écoute Jimby Marie-Gouaille, vice-présidente aux affaires socioculturelles à l'AGE. Ça s'adresse essentiellement aux nouveaux étudiants, parce que plusieurs associations seront présentes pour présenter justement ce qu'ils vont faire durant l'année. Et donc, c'est en quelque sorte pour recruter de nouvelles personnes qui ont envie de s'impliquer au sein de la vie universitaire. Pour célébrer l'estampe et le 30e anniversaire de l'atelier presse-papier, la galerie R3 présente en grande première mondiale l'exposition nomade Centre Choc qui amorce un long voyage de 3 ans. Pierre-Simon Doyon du département des arts nous explique. Alors, c'est une exposition d'estampes de très grand format, donc de la gravure, comme on le dit communément. C'est en fait une exposition qui est présentée par des anciens de l'université qui sont devenus des artistes professionnels. Ils nous font l'honneur et le plaisir de revenir à l'université pour une exposition qu'on qualifie de nomade, qui va se promener, qui va aller au Mexique, au Danemark et un peu partout en Europe. Mais ils ont choisi l'UQTR pour leur première exposition. Le service de pastoral de l'UQTR récidive avec son cours sur la Bible. Le prêtre Georges Croteau explique. Une possibilité de 3 cours, soit sur Saint Paul, soit sur l'Apocalypse, soit sur l'Ancien Testament, suivant les desiderata des étudiants. C'est un cours sans frais, sans examen, sans contention. Le début des formations est prévu pour le début du mois d'octobre et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Au Vox Pop, nous avons demandé aux nouveaux étudiants comment ils ont trouvé leur première journée d'intégration. Jusqu'à date, c'est bien. C'est froid, mais c'est bien. L'initiation, c'est vraiment agréable, puis le campus, c'est le fun. C'est vraiment drôle, puis super amusant. C'est très drôle, c'est super amusant, et on apprend à se connaître tranquillement, à connaître les lieux, puis c'est vraiment intéressant. Pour avoir vécu à l'Université Laval, c'est pas mal pour le fun à Trois-Rivières, comme c'est là, en tout cas. Puis en plus, ça dure 2 semaines de temps, fait que je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs, là. Ça va très bien. On a rencontré beaucoup de gens. On a en plus découvert l'école, donc ça a été vraiment très gratifiant et intéressant. C'était votre capsule Info Campus. Le temps des plaisirs est fini. Oh, yeah. Le temps des plaisirs. 489. Wow! Je l'aime. Mm-hmm. Je l'aime. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Salut François-Olivier Marchand. Bonjour Mathieu Plante. Oui, bonjour à vous les requins. Oh! Bon matin. Bon matin, bon matin. Ce matin est un bon matin. T'as pris ton Nutella, là, toi? Non. Non, excuse-moi, on ne l'a pas mentionné. Mon Imodium. Ton Imodium. T'es débloqué, t'as l'air de ça. Fini. T'as l'air régulier. Ouais, c'est du passé. Hein. Donc, hey. Dans la deuxième heure de l'émission, aujourd'hui, on va avoir une chronique Geek CNX où on va parler de modifications que des gens ont fait à leurs choses geek et vous allez voir ce que ça veut dire. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Ça va être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a aussi à Envoler Macadam? Envoler Macadam, au retour, on va passer en musique. Oui. Et puis au retour de musique, je vous parle d'Envoler Macadam, les artistes, l'emplacement, le site, blablabla, blablabla. Ça va être hallucinant. Caroline, que t'en mets, toi, des qualificatifs là-dessus, le monde va s'attendre à quelque chose de même meilleur que ce que tu vas faire. Mais... oui, qu'est-ce que je vais faire? Oui, certainement, mais le festival, en fait, ça va être très, très bon. Très, très bon. Très, très bon. D'accord. Maintenant, ben, on va faire un petit quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Tu sais, c'est quelque chose de pas original du tout, là. Mais bon, quand même. Il y a plein d'images qui me passent dans la tête, là. Vas-y. En tout cas. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. Oh! Wow! Hey, t'es génial! Thank you! Tout ça pour dire que cette petite intro-là, c'est rien, mais ça veut juste dire qu'on va jouer deux tunes du même artiste. C'est yay! Yeah. Yeah, super! Un artiste qui va être au festival en vol de Macadam. Tu parles d'un lien, toi? C'est on dirait qu'on y a pensé. C'est pareil comme si on l'avait fait exprès. Hein? Wow! Donc, tu vas nous faire entendre un petit peu de Melancholin. Melancholin, oui. Je vais vous en parler après. Ouais. Donc, on écoute pour commencer la pièce The Ballad, oui. Suivie de No Cigar. Oui! C'est bien ça? Hey, tu me fais plaisir. C'est ça? Oui. C'est ça. D'accord. Bon, ben, tout de suite, The Ballad, c'est fou 89 FM. C'est assemblage rock. Last selection in the ball game does never get a pass. Not appreciated, just his first name. He's the scapegoat of the class. There are no friends to cheer him up and no girls, no sweet romance. And it's impossible to expand when you never got a second chance. Do you not going to the school prom? He said he had the flu. Jumped up excuses as he told mom, I'm safer here with you. She told her son someday they'll all be sorry for mistreating you. Don't be afraid, my son, and trust me, you'll be someone they will look up to. Do you know who's that guy who's all alone? And do you care enough to see his in pain and misery? Do you care? We'll be right back. Gene Colin avec la pièce No Cigar. Juste avant ça, on a entendu encore de Gene Colin. C'était le bloc, il était deux fois. Oui, c'est ça, exactement. Très bon montage, Mathieu. Je t'en remercie beaucoup. C'était la pièce de balade. Très, très bonne pièce. La plus slow, en fait, là, qu'on peut trouver sur l'album Pennybridge Pioneer. Donc, Envol et Macadam. Envol et Macadam, c'est quoi? C'est un festival. Ça se déroule à Québec du 9 au 11 septembre 2010. Très, très bon festival. Très, très bon festival, ça se dit pas. Oui, un bon festival. Un bon festival, ouais, ça se dit. C'est un beau festival. Un aussi. Beau. Très beau. Écoute, je parle du site, OK? On commence avec le site. Premièrement, comme je vous l'ai dit, ça se passe à Québec. C'est au parc de l'Îlot Fleuri. C'est directement en dessous des viaducs de l'autoroute. C'est hallucinant. Ça fait vraiment centre-ville. Mmh. Ça fait branché. Ça fait plateau. Non, ça fait, pas plateau, mais ça fait underground. Okay. En fait, parce que la programmation reflète aussi ça un peu. Je vais en reparler un peu plus tard. Et puis, si mouille, en fait, les viaducs nous protègent. Mm-hmm. On peut retrouver d'ailleurs trois scènes différentes, soit la scène Tremblay et la scène Première Ovation Exo. En fait, il y a comme deux scènes Tremblay. Là. Ils alternent à chaque bend. Il y en a un qui finit, l'autre part. Ah, okay. Ils sont comme un à côté de l'autre. Le jeudi 9 septembre, les têtes d'affiche sont... Et attachez-vous. Je ça fesse fort, ouais. Ça fesse fort. Il y a The Flatliners, il y a Against Me. Against Me qu'on va retrouver en musique un peu plus tard à l'émission. Et Mylène Collin, ce qu'on vient d'entendre. Sur la scène, Première Ovation, il y a Quo Vadis. Covidus. Faut dire qu'il y a de la gorge comme ça. Ouais. Et Crew Mags qui était là, sauf que en fait j'ai reçu un courriel ce matin pour dire que pour des raisons en fait il annulait la représentation. Ça va être remplacé par Blind by Fate qui vont jouer avant Covidus. Vendredi 10 septembre, on retrouve la Panthère Rose que Mathieu aime bien. On adore. Sur la scène Tremblay de dos. Ça vient de France, moi je connais pas. Je sais pas. Non. Il y a Cake aussi. Ah oui. Cake. Gros nom. Ouais. Tout des noms un peu underground en fait qui attirent un public qui est plus dur à rejoindre. Ouais. Qu'on retrouverait peut-être pas à Trois-Rivières. Ouais. Donc sur la scène Première Ovation Exo le vendredi le 10 septembre à partir de 18h, on retrouve Black Tabou. Mathieu affectionne particulièrement Black fan, Tabou. Danny Janvier en fait va en faire jouer, on peut s'entendre là-dessus j'imagine. Va en faire jouer probablement, il en a déjà fait jouer, mais il m'a dit qu'il sortait un nouvel album. Je suis allé vérifier sur internet et oui effectivement il sort un nouvel album. Il n'y a pas de titre par exemple puis, mais j'ai hâte d'entendre en fait. Et de citer des paroles dans tes conversations quotidiennes. On va essayer. Planet Smasher qui suit Black Tabou et Punk Rock Karaoke. Ça, c'est des membres de groupes comme il y a un gars de Social Distortion, ce truc-là, qui joue en fait la musique et puis les chanteurs comme toi et moi, tu peux t'inscrire. Oui, oui. Et puis aller chanter des gros hits punk avec des musiciens de renommée. Et puis samedi le 11 septembre, grosse soirée, beaucoup de bands, ça commence en après-midi, ça commence à 14h. Il y a Mute, Refuel, Emure, Strung Out, Hatebreed, Mastodon. Des gros bands, là. Mm-hmm. C'est hallucinant pour vrai comme festival. Moi, ça me fait capoter. Il y a sur la scène aussi, il y a Première Ovation, Exo. Il y a Mother Mother, Malajub aussi. Wow, Mother Mother. Cool. Oui. C'est formidable. D'ailleurs, en vol à Macadam, je t'explique un peu le concept. Là. Ils veulent faire des finalistes pour après ça, ils envoient au Japon. OK. Oui, pour, oui. Pour faire le Grand Prix, un grand gagnant qui va gagner une session d'enregistrement. Oh, wow. Ouais, c'est international. C'est cool. Ouais, c'est très cool. C'est très, très cool. Les passeports sont en vente un peu partout, en fait, à l'Exo, ce truc-là. Passeport pour les 3 jours à partir du 2 septembre, donc c'est 40$ mm-hmm. jusqu'au festival. Soirée à l'unité, vous allez voir, en fait, ça vaut pas vraiment la peine, c'est 30$. C'est cher un peu. Ouais. Tant qu'à ça, achetez-vous le passeport, ça vaut vraiment la peine. Ouais, et bon. Si vous voulez voir la programmation complète et toutes les informations que François a dit, c'est sur envolemacadam.com, super oui. simple. Très beau site aussi. Oui, joli site. Oui. Et le lien sur assemblagerequis.com aussi dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Voilà donc, on va entendre un des groupes qui va être dans Volley Macadam. Against Me? Oui. Against Me, très bon groupe aussi, qui font la première partie de Million Colin. Moi, jeudi, après notre émission, je vais m'envoler pour aller. Mais okay. Pas tout de suite. Non, non, mais non. Je vais travailler un peu. Ben, j'espère, c'est. Ouais. C'est ce que ça donne, sinon. Hein? Trash Unreal d'Against Me. Montez le son, là. Montez le son, ça vaut la peine. Ça en auto, là. Wow. Trash Unreal de Against Me. Against Me. Against Me. Surtout au festival En Vol Macadam ce jeudi. Soyez là. Oui. Oui. Be there. Be there or die. Ouais, non. Franchement. Ah, oh, ok, je m'excuse. Là, tu vas trop loin. J'ai poussé la note un peu. À tout assemblage requis, l'émission estivale, l'émission matinale, Colin, encore le vieux beat de l'été. Hein? Matinale, en pièce de tâche. Matinale. Mais là, quand tu changes de slogan chaque mois, il me semble que ça donne. Sinon, tout ça pour dire que sur assemblagerequis.com, François, je te l'apprends, si tu veux visiter avec moi, gars, ouvre un nouvel onglet, assemblagerequis.com, super simple là-dessus, OK? Parce que faut que je le dise aux gens, parce qu'il y en a qui sont pas au courant de comment ça marche. Là, tu vas sur la page, et puis là, tu vois, mettons, genre, oh, prochaine émission Assemblage Requis, émission du mercredi 8 septembre, mais c'est aujourd'hui, là, tu cliques dessus. Là, Colin, tous les liens d'émission d'aujourd'hui sont là, c'est pas magique, hein? Tu cliques là, gars, c'est un fait, ils sont tous là, c'est NX de tantôt, si vous voulez les voir d'avance, ils sont là. Je t'arrête, en fait, ouais. Je sais pas, c'est où? Caroline François. Il y a une colonne là, qui marque prochaine émission, puis t'as le gros logo d'assemblage requis. Là, twing dans ta face juste là. Ah, ben oui. T'as vrai, c'est comme trop simple. C'est trop simple, ouais. Je le savais. Ouais. En tout cas, bref, tu cliques là-dessus. T'es béton. Béton, puis sinon, ben, à un moment donné, t'as émission de la semaine du 6 septembre, puis là, tu peux cliquer sur la date que tu veux, puis t'as toutes les notes de toutes les émissions de toute la semaine. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est-tu pas merveilleux? T'as même la balado-diffusion MP3 de l'émission d'hier. Ceux qui l'ont raté hier, la première, là, allez l'écouter. Hein? Ben oui. Simple de même. Non. Pour vrai, c'est très bien fait, Mathieu. Assemblagerequis.com, c'est le site de l'émission. Et puis sur cfou.ca, vous allez retrouver la programmation complète de Cfou, dont l'émission Le Dîner de Con qui continue sa nouvelle saison du lundi au jeudi entre 11h et 13h avec Danny Janvier. L'excitant Danny Janvier. Il est là, le con en chef. Le grand chef. Toujours aussi épais. Tu sais? c'est le même con en chef. J'invente rien. Là. Hein? Il est bon. Son émission est très bon. C'est excellent. Très bon. Si vous voulez apprendre des choses stupides. Des gens qui font des choses stupides, tu sais, ben c'est là que ça se passe. Entre autres. Ben d'autres choses aussi. De la bonne musique aussi. Oui. Bon, donc voilà pour la programmation de C'est Fou, c'est sur cfou.ca. Tout à l'heure, François va nous parler de quelques trucs qui se déroulent dans l'actualité. Exactement. Mais on va parler des Canadiens qui vont plus à l'école. Les Canadiens vont plus à l'école? Non. Mais Colin, mais là, on va-tu fermer l'université? Oui, je t'en reparle plus tard. OK. Pour l'instant, on écoute Ariel. Voici Fringué pour le kill. Sur C'est Fou. Assemblage requis. Oh ouais. Oh, écouter l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Toujours à l'émission matinale en pièces détachées. 8h29 minutes. 8:29 J'annonce en anglais. J'aime bien ça. Ouais. Je vais le faire à chaque fois. Oui. Wow. 8:29 C'est indien. C'est génial. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux être un petit peu plus sérieux? Non. Non? Non, okay. Malheureusement, non. On reste faire le bord. Mais oui. Ah, tu veux être plus sérieux, ok. Hey, je te parle en... Oh. Ouais, c'est ça, c'était mon thème sérieux. Ok. Mm. C'est bon? C'est ça? C'est bon? Ok. C'est quoi? C'est ça. Assemblage requis. C'est assemblage requis. Hey Mathieu, je te parle des Canadiens qui quittent l'école de jeunes. Donc, j'ai pris mes références sur la presse canadienne. Un Canadien sur 5 quitte l'école avant 19 ans. On revit présentement la même situation qui prévalait en 1990. On se retrouve parce que les jeunes quittent de plus en plus tôt sans formation spécifique. Le Québec a un taux de 23%. Je trouve ça quand même énorme. 23% des jeunes qui n'ont aucune formation. Et il y a juste au Canada une autre province qui nous surpasse à ce niveau-là, et c'est l'Alberta. Donc, on pourrait peut-être expliquer l'Alberta par le fait que pas le Klondike, mais il y a beaucoup d'emplois là. Ouais. C'est quand même bien payé. Il paye moins de taxes aussi. Donc, je pense que c'est comme plus facile. Pas plus facile à vivre là-bas. Mais, question d'emploi, je pense que on en trouve un peu plus qu'ici. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, à noter qu'en 2008, à peine 68% des Canadiens, on parle environ entre 25 et 65, là, un petit peu plus, là, n'avaient pas terminé leurs études, occupaient un emploi. Juste 68% des Canadiens n'avaient pas terminé leurs études, occupaient un emploi. Comparativement à 83%. Ça ne dit pas quels emplois nécessairement? Non, mais un emploi, là. Juste une job. Un emploi, en fait, c'est ce qui marque. Comparativement à 83% des personnes qui ont eu diplômé en fait, du collège ou de l'université. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Je pense que la richesse en fait d'un peuple, c'est vraiment l'éducation. Tout à fait. Donc, un petit message. Là, je sais pas les cas, c'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Quelle belle façon de le dire, tout à fait. On a entendu le recteur hier sous le chapiteau là, qui disait que l'Université du Québec à Trois-Rivières, là, c'était une bonne affaire. T'sais. Oui, oui, d'après un sondage qui a été fait, je sais pas. Dans les meilleures universités canadiennes, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais. C'est cool. Mais, oui, oui, c'est très, très cool. Très cool. Très bon discours hier. Aussi, le M. Desrues aussi, qui est président de l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On appelle ça la GE Espace UQTR. Espace. Très important, l'espace. Très important. Puis hier, on a passé une belle journée sous la tente. On a distribué les journaux aux campus. On a accueilli les nouveaux étudiants, quoi. Tout à fait. Et là, le chapiteau reste là jusqu'à la fin de la semaine, c'est bien ça? Ou c'est un autre événement qui a rapport avec ça, c'est ça? Oui, juste à côté de la chasse-galerie, ici, il est supposé avoir une tente. OK. Où il va y avoir des kiosques, quand même. Mais c'est pas la grosse tente qui est. Non, a c'est eu pas la grosse tente. Okay. Non, je pense pas. Ça me surprendrait. Non. Non. Non, mais ça serait intelligent. Et la pluie continue. La pluie continue, oui. Le matin, c'était maussade. Ouais. Ah, que voulez-vous? Hey Mathieu, moi, je dois quitter, pas nécessairement tout de suite, là, mais bientôt. Donc, on te dit à demain. À demain. À demain matin. À 7h. Moi, je vais rester avec tout le monde jusqu'à 9h aujourd'hui et à tous les jours du lundi au jeudi. Mais toi, quand même, reviens nous voir. T'sais. Ben oui, je vais te chercher demain. Hey, c'est vrai. Yeah! Demain, donc, arrive toujours au trou de bonheur. Toujours. Ouais. Tout à l'heure, il va y avoir la chronique CNX, la chronique geek, et on va parler de modifications. Donc, les gens qui ont modifié des choses, là, on peut parler entre autres d'une table faite avec une manette de PlayStation. Hein? Une table? Ouais, avec une grosse manette de PlayStation. On va voir tantôt. Il va aussi y avoir. Je suis même pas là. Non, je sais, tu vas l'écouter dans la radio dans ton auto. Ouais. Une murale Mario interactive. Il va aussi y avoir une table créée à partir de cassettes de jeux vidéo et un Monsieur Patate à la Steampunk. Tu connais le steampunk? Non. C'est quand ça a l'air vieux jeu, vapeur, là, tu sais, quand il modifie des affaires puis que ça a l'air comme vieux, vieux rétro, mais c'est des vintage? Affaires du courant, c'est ça, c'est un genre de vintage, ouais. Comment est-ce qu'il appelle ça, steam? Le steampunk. Steam comme vapeur? Là? Comme la vapeur. Ouais. Punk comme la musique? Comme, je sais pas la définition exacte des mots. Là. que je cherche. Steampunk. Pourquoi punk? Je sais pas. Punk. Donc, c'est en tour dans la chronique Geek CNX. Mais pour l'instant, on retourne en musique. On va entendre avec une pièce de Malajube, j'ai envie d'entendre. Qui va être au festival en Envol et Macadam. Que de lien aujourd'hui, que de lien avec Envol et Macadam. Voici Hochelaga de leur Maxi Control au 89.1 FM, c'est fou. Je vous dis au revoir, à demain. À demain, François, mais vous, les requins, vous restez avec moi. Je vous ai à l'œil. la jupe et la pièce Hochelaga de leur maxi Contrôle dans Assemblage Requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. François-Olivier Marchand va être de retour demain, on le rappelle. Maintenant, c'est le moment de la chronique technologique et geek par le fait même, Cynix. Et le sujet d'aujourd'hui est... Modification. Aujourd'hui dans la chronique Geeks & Nicks, on parle de choses qui ont été modifiées, donc des modifs, si on veut. Donc c'est des gens qui ont pris des objets de tous les jours et les ont modifiés en quelque chose d'autre, de très très geek. Commençons avec un monsieur patate, un vrai monsieur patate. Là, on a pris le jouet monsieur patate, c'est bon. Et on s'est imaginé de quoi il aurait eu l'air dans les années 50. Hein? Donc en train de divertir des millions d'enfants avec ses parties corporelles interchangeables. Si, c'est ça. Ça existe depuis les années 50, c'est ce que je voulais dire, mettons. Mettons, à la place, on a fait comme s'il avait été inventé dans un autre monde, dans un autre univers encore plus rétro que ça. Donc, c'est un artiste super bricoleur qui a fait ça. C'est l'artiste Sarita Maria, hein, qui a fait ça. C'est tout genre comme métallique, super vapeur, super rétro. C'est la mode du steampunk. Si vous connaissez pas encore le steampunk, mais c'est ça. C'est une mode qui a l'air d'affaires de vapeur, de train. Et puis, elle a même fait un poster Wanted pour ça. Et puis plein d'autres affaires, elle montre ça sur son site web, donc allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Des étudiants artistiques qui ont créé une grande murale de Mario interactive. Mm-hmm. Mario très très 8-bit, hein? On l'aime toujours, même en 2010, encore aujourd'hui. Donc cette murale interactive créée par des étudiants du Columbus College of Art and Design. Ça mesure 16 pieds de haut par 38 pieds de large. Ça a pris 12 étudiants et 8 jours pour créer cette murale-là qui est disponible, qui est visible dans la bâtisse d'administration de ce collège-là. Et qu'est-ce que ça a d'interactif? Ben, c'est que c'est vraiment une murale avec de l'action de Mario dessus, donc dessinée. Les gens peuvent aller se poser sous, par exemple, la case où il y a l'étoile dedans et puis se faire prendre en photo là. Donc, c'est ce que ça a d'interactif. C'est vraiment bien. Une table à café fabriquée avec 92 cassettes de vidéo, des cassettes VHS. Bon vieux système VHS rétro, là, que j'aime beaucoup. Très beau. La qualité de l'image est excellente avec ça. Donc, Luisa Montealegre a utilisé 92 de ces cassettes-là pour construire cette table que vous pouvez voir en photo sur assemblagerequis.com. Ça nous dit soyez gentils et ne mettez pas vos pieds dessus. Ce serait pas joli de. Ouais. Au lieu de reculer la cassette. Vous voyez le genre. Du site CubicleBot, maintenant, on nous présente cette affaire-là qui va plaire aux gens de chez La Recharge, qu'on salue en ce moment. Bonjour, La Recharge. Donc, c'est quelqu'un qui a pris des cartouches d'encre vides et a fait plein d'affaires avec, par exemple, le Starship Enterprise de Star Trek, Godzilla, fait à partir de cartouches d'encre, King Kong. Et là, vous pouvez aller voir toutes les photos de ça sur assemblagerequis.com. C'est super joli. Ça n'a pas l'air de cartouches d'encre quand tu le regardes, mais quand tu le sais, là, tu t'en rends compte. Ben oui, regardons ça, c'est des cartouches d'encre. C'est très joli, très joli. Ça, c'est un de mes préférés, je trouve ça vraiment bien. Excitebike version Pixel, ça a été fait par la chaîne de télé australienne Fuel TV. Donc, ils ont vraiment recréé les motos de Excitebike, mais en style Pixel. Demandez pas comment ils ont fait pour faire ça, mais en tout cas, ça a l'air pixelisé, ça a l'air du jeu sur NES. Là. C'est vraiment des carrés, des blocs. Je n'expliquerai pas le système de comment ça marche les pixels. Là. Vous pouvez aller voir la publicité que ça a donné en vidéo, vraiment sur assemblagerequis.com, la publicité de Fuel TV avec cette moto-là et des photos de la moto. C'est malade, vraiment malade. Une autre table maintenant, on a parlé de table avec des cassettes vidéo tantôt. Celle-ci est faite à partir de quelque chose qui a été fait pour avoir l'air d'une manette de PlayStation, la première du nom. Hein? Donc c'est une table PlayStation Controller Coffee Table. C'était pour un travail d'école dans un projet de Industrial Technology, technologie industrielle. Donc elle fait ça avec du plywood. Et puis plein d'autres affaires. Là, il y a des termes techniques que j'essaierai même pas de traduire. Ce serait un échec total. Hein? Donc, qui a réussi à plier des affaires pour faire les boutons puis les joysticks. Tout ça en bois et d'autres affaires. Du veneer. Je connais pas les termes. En tout cas, bref. Allez voir la photo et allez voir comment il l'a fait sur assemblagerequis.com. Une voiture qui fonctionne et qui est faite à partir de Lego. Et notre prochaine modification... très joli ça aussi. Ça a été vu sur Dapitan Street dans le district Sampaloc de Manila aux Philippines la semaine passée. On ne montre pas de quoi a l'air le moteur ou rien, mais on voit l'extérieur qui ressemble à des Lego. C'est geek. C'est vrai que c'est geek. Terminons avec trois derniers articles que j'ai trouvés sur Internet. Et encore une fois, les liens sur assemblagerequis.com. Quelqu'un avait un problème, OK? Il habitait près d'une rue. Et donc, sa maison était construite sur une montagne pour être un petit peu plus éloignée de la rue. Et là, ben, son courrier était en bas. C'est parce que le facteur passe dans la rue, puis lui est en haut. Que faire? À un moment donné, ça aurait pris, ça disait qu'il y avait genre deux blocs, deux pâtés de maison de distance à faire jusqu'à sa boîte aux lettres. Il s'est dit inacceptable. Donc, il a fabriqué un système de rails. Pas de rail motorisé où genre t'appuies sur un bouton et tout ça s'en vient vers toi, non. Juste un rail que tu tires. On imagine que tu tires avec une genre de poulie, quelque chose de genre. La boîte aux lettres vers toi. Et puis là, tu peux prendre ton courrier et ramener ça en bas. Super cool! Tu sais, il aurait pu se faire un petit système de train automatique, ça aurait été cool. Un petit train avec un paquet dessus. Non? Enfin. Bref, assemblagerequis.com pour la photo, mais je trouve que l'idée est vraiment drôle. Comme modification. Comment fabriquer un costume de Pac-Man jouable? Donc, le gars construit son arcade autour de lui. Il peut mettre ça comme un genre de dumb sandwich, là, ça, avec des bretelles. Donc, l'arcade est sur son ventre avec un portable à l'intérieur, un vrai ordinateur portable. Et puis là, ben, il y a des joysticks et puis tu peux jouer avec ces joysticks-là à Pac-Man sur le ventre du gars. Ben, pas son ventre, mais sur l'appareil qui est sur lui. C'est un genre de costume d'Halloween, si on veut. Sûrement qu'il gagnerait un concours de costume d'Halloween. C'est Russell Lucinski qui donne toutes les étapes, qui vous montre comment faire directement sur son article sur le site Make. Donc, le lien sur assemblagerequis.com. Et pour terminer, une galerie d'ongles peinturés façon geek ou façon nerd ou comme vous le voulez. Donc, on entend tout le temps parler de tattoo nerd. En tout cas, moi, sur Internet, je vois des articles de tattoo nerd à chaque jour, on dirait. Mais des ongles peints, ça, j'en vois moins souvent. Par exemple, il y a une fille ici, en tout cas, j'imagine que c'est une fille, je sais pas, qui s'est peint les ongles argent et qui a dessiné des 0 et des 1 dessus. Très, très, très, très geek, ça. Il y en a d'autres que c'est des logos de jeux vidéo, ou des tableaux de jeux vidéo même. L'autre, c'est des logos de barres de chocolat ou de liqueur. C'est Dr. Pepper, Mountain Dew, Oreo, etc. L'autre, c'est des symboles de Space Invaders. Il y en a un paquet dans cette galerie de photos-là. Sur assemblagerequis.com, cliquez sur l'émission d'aujourd'hui, mercredi 8 septembre 2010, pour les liens. Voilà pour la chronique CNX. Il y en aura une autre demain, ici dans Assemblage Requis. Mais pour l'instant, on va entendre un petit peu de Madcaps de leur album Juice. Voici Gotta Get Ready, parce que vous, ben, peut-être que vous préparez pour aller travailler. Je sais pas. We'll be right back. jusqu'à 9h. Vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Plumtree et Scott Pilgrim, la pièce qui a inspiré la bande dessinée, ou au moins le nom de la bande dessinée Scott Pilgrim, et ensuite donc le film Scott Pilgrim vs. The World, dont je ne parlerai jamais assez parce que c'est trop excellent. C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Une autre journée qui commence pour vous, mais qui finit pour cette émission. Il y a le dîner de cons qui va suivre à 11h tout à l'heure avec Danny Janvier, puis plus tard dans la journée à 19h, il y a Volteface et à 21h, PsyTR. Demain, à l'émission, on va avoir François Landry qui va être de retour avec sa chronique politique. Et on a Simon Fitzbé qui va débuter une toute nouvelle chronique. C'est demain à Assemblage requis entre 7h et 9h. Et puis François-Olivier Marchand va être de retour avec nous aussi pour cette belle émission. Donc, passez une belle journée. Puis amusez-vous grandement. On se quitte sur la musique de Polype avec La peine en vaut le coup. Bye! te fait rire, le cœur en vrac pour pouvoir. J'ai entendu bailler la porte de secours. Et plus d'une fois j'ai songé à faire la peine en vaut.